Le chiffre est inquiétant, surtout si l'on prend en compte tous les espoirs que l'élection de Barack Obama avait suscité après une double présidence Bush particulièrement calamiteuse. Mais il faut regarder la vérité en face. L'administration Obama a recouru 8 fois à l'Espionage Act pour poursuivre des journalistes ou des lanceurs d'alerte, alors que ses prédécesseurs ne l'avaient utilisé que 3 fois en un siècle. Et bientôt, James Risen, un célèbre journaliste, prix Pulitzer, risque de connaître la prison pour avoir refusé devant la justice de trahir ses sources. S'agit-il d'une dérive et peut-être même d'une grave atteinte au premier amendement de la Constitution états-unienne qui garantit à tous les citoyens la liberté d'expression? Ou bien n'est-ce que la conséquence extrême d'un système qui, sous prétexte de patriotisme ou de chasse au terrorisme, soumet désormais et de plus en plus tous les Américains à une étroite surveillance supervisée par les grandes agences de renseignement et qui tend à criminaliser tout ce qui, au nom des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, ose dénoncer les erreurs, les fautes du gouvernement et des administrations ou la puissance tentaculaire de ces organismes qui font fi de la vie privée. Monsieur X ouvre le dossier. Il revient, bien sûr, sur les mésaventures récentes des whistleblowers, comme on appelle les lanceurs d'alerte, et il explique pourquoi James Risen pourrait bientôt finir en prison. This land is your land. Il nous faut d'abord faire un petit rappel. Avant d'être élu, Barack Obama prônait la transparence de l'action gouvernementale. Il a, par exemple, déclaré qu'il admirait l'action des lanceurs d'alerte qui, affirmait-il, offrait la meilleure source d'informations sur les gaspillages, les fraudes et les abus du gouvernement. Il évoquait même de véritables actes de courage et de patriotisme qui permettaient de préserver l'argent du contribuable et parfois de sauver des vies. En conséquence, il fallait les encourager plutôt que de les réprimer. Oui, mais ça, c'était avant qu'il entre à la Maison Blanche. Ah, malheureusement, oui. Et son administration a usé, sinon abusé, des possibilités de poursuite offertes par l'Espionage Act. Oui, la loi sur l'espionnage. Alors, un mot sur ce texte qui a été adopté en 1917. Oui, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc. Il s'agit alors de réprimer, si j'ose dire, les vrais espions. Une de ces clauses vise quiconque serait illégalement en possession de documents classés secret défense dont la divulgation pourrait nuire à la sécurité des États-Unis ou pourrait aider un pays étranger. En 1960, il s'est ajouté à ce texte une autre clause, au terme de laquelle la publication de documents classifiés est considérée comme un acte criminel, dès lors qu'elle révèle des informations cryptées ou codées. Ah, mais ça pourrait s'appliquer au cas d'Edward Snowden. Hein. Oui, mais enfin, ça, on en reparlera. Toutefois, il faut observer que cette dernière clause n'a jamais été utilisée pour poursuivre un journaliste. Ah bon, pour quelle raison ? Parce qu'il existe aux États-Unis un texte fondamental. Le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. Oui, mais ça, c'est en contradiction avec la loi sur l'espionnage. Oui, car en principe, au nom de cet amendement, un journaliste a le droit de rendre publique une information classée secret défense. Et d'ailleurs, aucun gouvernement américain ne s'est encore risqué à attaquer en justice un média qui aurait enfreint cette clause sur l'Espionage Act. Ce qui revient à admettre que les journalistes ont le droit de protéger leurs sources. Bah, ce même droit qui est reconnu aux médecins, aux prêtres et aux avocats. Et donc implicitement aux journalistes depuis des décennies. Implicitement, mais vous ne l'avez pas dit légalement. En effet, et c'est tout le problème. Car sur cette question, on nage en pleine confusion aux États-Unis. Certes, 49 États sur 50 ont adopté une loi garantissant ce qu'on nomme là-bas le privilège du journaliste. C'est-à-dire ? Les échanges entre les journalistes et leurs sources sont protégés. Mais le Congrès, le Parlement fédéral, n'a pas voté une loi unique sur ce sujet. Et c'est pourquoi le journaliste James Reisen, du New York Times, s'est vu enjoint par une cour d'appel de livrer des informations confidentielles sur l'une de ses sources, sans doute un agent de la CIA. Oui, mais il a refusé. Oui, et nous allons voir ça en détail. Ça signifie en tout cas que les textes juridiques existants sont totalement insuffisants pour protéger les journalistes, surtout dans le contexte de l'Internet et face aux capacités techniques des agences de renseignement. La NSA, la plus importante d'entre elles, peut aujourd'hui collecter massivement les relevés téléphoniques et les emails de tout un chacun. Et en même temps, il y a donc cette utilisation excessive de cet Espionage Act. Oui. Déjà 8 procédures depuis que Barack Obama est entré à la Maison-Blanche, alors que son prédécesseur, George Bush Jr., bien connu pour ses arrangements avec la loi et la morale, ne l'a employé qu'une fois. Et même Nixon, Dick le tricheur, comme on l'a surnommé, n'en a usé qu'une fois lors de la publication des fameux Pentagon Papers. Oui, des documents secrets et explosifs hein, sur la guerre du Vietnam. Oui, alors je ne vais pas vous assommer de considérations juridiques, mais il faut quand même remonter un peu le temps. Et ça, alors, cette loi sur l'espionnage date donc de 1917. L'étape suivante, c'est la création en 1952 de la NSA, Agence Nationale de Sécurité, par le président Truman. Le but est de consolider les facultés de codage et de décryptage du gouvernement. Et il faut noter qu'initialement, aucune limite n'avait été fixée au pouvoir de la nouvelle agence en matière de surveillance électronique sur le sol même des États-Unis. Oui, mais c'était la guerre froide et d'autre part, personne ou presque ne connaissait l'existence de la NSA. Hein. C'est juste. Mais dans les années 70, deux parlementaires, Church et Pike, dirigent une commission qui fait des révélations très embarrassantes sur les pratiques des agences américaines de renseignement. En 1978, ça conduit le Congrès à voter une loi exigeant des mandats de perquisition pour procéder à des écoutes liées à la sécurité nationale. Une mesure pour contrôler les agences. Et particulièrement la NSA. On vote donc une loi qui limite les procédures de surveillance physique et électronique des citoyens, ainsi que la collecte d'informations sur des puissances étrangères. Une cour fédérale, la FISA, selon son acronyme, est chargée de superviser les demandes des agences de renseignement. C'est un progrès, ça. Apparemment. car les débats demeurent secrets et l'opacité des décisions rendues reste la norme. Aussi, la loi va-t-elle être amendée en octobre 2001. Ah, attendez, c'est après le 11 septembre. Et vous imaginez bien que cette modification ne va pas aller dans le sens du libéralisme, bien au contraire. Le Patriot Act abroge virtuellement toutes les restrictions juridiques, politiques et morales que la décennie antérieure avait imposées à la communauté du renseignement. Point important. La nouvelle loi efface la distinction juridique entre les enquêtes effectuées par les services de renseignement extérieurs et celles effectuées par les agences fédérales responsables des enquêtes criminelles. À l'intérieur des États-Unis, donc. Seul impératif, ces enquêtes menées par exemple par le FBI doivent concerner des étrangers soupçonnés de terrorisme. Le même Patriot Act crée aussi un statut de combattant ennemi ou illégal. Ce qui va permettre aux Américains de détenir sans limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de projet terroriste. C'est ça, d'où Guantanamo et les prisons secrètes à l'étranger. Les services de sécurité vont pouvoir aussi accéder aux données informatiques détenues par des particuliers et des entreprises sans autorisation préalable et surtout sans informer les victimes de ces intrusions. Ouais. Bref, pratiquement tous les contrôles sont supprimés. Et juste avant de quitter le pouvoir en 2008, le président Bush a signé un nouvel amendement autorisant la surveillance de toutes les communications électroniques des étrangers hors du territoire des États-Unis. Ouais, il n'existe donc plus aucun garde-fou. Si, il y a cette Cour de justice fédérale, la FISA, dont je vous ai parlé plus haut. Elle peut, en principe, autoriser ou refuser les demandes de mise sous surveillance de la NSA en rendant des décisions classées secrètes. Mais dans la pratique, ce tribunal ne sert qu'à valider les requêtes de la NSA, les refus étant extrêmement rares. Par ailleurs, les critères d'acceptation par cette même cour sont très généreux, puisque la mise sur écoute d'un serveur par lequel transitent les communications peut être acceptée à partir du moment où ses juges l'estiment raisonnable. Raisonnable, un critère très large. Et si cette disposition réglementaire a été initiée par Bush, elle a surtout été utilisée par Obama. C'est tellement vrai que, alors qu'elle devait cesser de prendre effet à la fin 2012, le président a obtenu du Sénat une prolongation pour une durée de 5 ans. Mais pour être tout à fait exhaustif, il faut évoquer un autre amendement lui aussi proposé par Bush à la fin de son mandat. De quoi s'agit-il là ? Le Protect America Act donne encore plus de liberté à la NSA pour agir à l'étranger. C'est-à-dire multiplier les systèmes d'espionnage électronique. C'est très tordu. Expliquez-moi. Parce que sous prétexte de surveiller l'extérieur, on s'intéresse aussi à tous les contacts entre cet extérieur et l'intérieur. Bref, on en arrive insidieusement à espionner la population américaine elle-même. Mais c'est ce qu'on va découvrir en 2013 grâce aux révélations d'Edward Snowden. Hein. Oui, mais même sans évoquer ces deux lanceurs d'alerte dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Ouais, des précurseurs qui, dans les années 60, ont alerté le public américain sur les menées de la NSA. Hein. Martin et Mitchell, oui. Donc sans remonter si loin, au mi-temps des années 2000, les enquêtes du journaliste James Reisen ont déjà jeté une lumière crue sur les pratiques de la NSA. Une histoire aussi étonnante que révoltante. Patrick Pinault sur France Inter. Antoine Lefébure raconte dans son ouvrage « L'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde », les réactions de la presse américaine face à cette montée progressive de la surveillance effectuée par les services de renseignement. Pendant le scandale du Watergate, les journalistes du Washington Post, pour échapper à la surveillance de la NSA, commanditée par Nixon, parlaient avec leurs sources du FBI dans un parking souterrain. Et 40 ans plus tard, en octobre 2013, le Washington Post a dressé un état des lieux préoccupant des conséquences de la guerre lancée par l'administration Obama contre les fuites et les lanceurs d'alerte. Les journaux installent des bureaux sécurisés et forment leurs journalistes à la pratique de la cryptographie. Certains n'osent même plus téléphoner à un contact gouvernemental de peur de le compromettre. Un technicien du FBI a par exemple été inculpé pour avoir communiqué à un journaliste d'Associated Press des informations sur un attentat manqué au Yémen. Pour arriver à ce résultat, 20 lignes téléphoniques de 4 bureaux d'AP ont été systématiquement écoutées. Plusieurs journalistes du New York Times ont eu droit au même type de surveillance, ainsi que des journalistes de Fox News, dont le gouvernement a identifié les contacts au département d'État et à la CIA. James Eisen serait donc lui aussi un précurseur en ce qui concerne les accusations contre la NSA. Incontestablement. Alors voici son histoire. Je rappelle d'abord que Eisen, grand reporter au New York Times, a été lauréat du prix Pulitzer en 2002. Ouais, c'est la plus belle récompense pour un journaliste américain. Hein? Oui. Deuxième observation. Ça fait maintenant près de 10 ans que la Maison-Blanche lui cherche des poux dans la tête et le harcèle. Ouais, ça a donc commencé sous Bush. Et ça s'est poursuivi sous Obama. Mais comment est-ce que ça a commencé? En 2004, le journaliste est informé par des fonctionnaires de la NSA de l'existence d'un programme informatique qui permet, à partir d'un simple numéro de téléphone enregistré ou d'un mot-clé programmé, de saisir toutes les données d'un citoyen. Eisen comprend qu'il s'agit de la première tentative de surveillance généralisée de la population. Un système qui associe l'État et les grandes entreprises privées susceptibles de mettre au point de telles technologies. Eisen apprend aussi que dès 2002, deux hauts responsables de la NSA ont été virés, arrêtés et inculpés par le FBI. Et pourquoi? Parce qu'ils ont dénoncé en interne un programme jugé trop complexe, ruineux et attentatoire aux libertés. Après avoir recueilli ces informations, James Eisen écrit un article. Mais avant de le publier, la direction du New York Times contacte la Maison-Blanche. Une sorte de principe de précaution? Et de la part de ce grand et prestigieux quotidien, c'est assez rare. Ouais, à la Maison-Blanche, alors comment réagit-on? Ah, très très mal. Selon l'administration Bush, cette révélation publique ruinerait tous les efforts de la lutte antiterroriste. Ouais, c'est toujours le même argument. Et hein. Si peu de temps, après le 11 septembre, c'est un argument qui porte. Donc, l'article de Eisen n'est pas publié? En effet. Et il va rester au réfrigérateur pendant 14 mois. Ça veut dire que la direction du New York Times s'est couchée? Oui. Et plus tard, le rédacteur en chef avouera qu'il s'est laissé intimider par les menaces de la Maison-Blanche. Il faut dire qu'en 2004, la campagne présidentielle battait son plein et qu'une telle révélation aurait pu ruiner les chances de Bush Jr. de se faire réélire. Donc, un véritable chantage à la sécurité du territoire a été exercé sur le conseil d'administration du New York Times. Et cet article, alors, n'a jamais été publié? Ah si, il l'a été, en décembre 2005, dans une version expurgée. Ce qui n'a pas empêché la Maison-Blanche de hurler. Ces fuites sur les activités secrètes de la NSA constituaient une action honteuse susceptible d'aider les ennemis des États-Unis. Et l'administration a annoncé son intention de poursuivre en justice le New York Times et son journaliste. Était-ce possible? C'est en tout cas ce qu'a déclaré le procureur général. Faut observer au passage que les informations sur ce programme secret d'espionnage des citoyens feront partie des révélations d'Edward Snowden en 2013. Ouais, mais Eisen avait presque 10 ans d'avance. Hein. Le journaliste en est-il resté là? Non, non, là d'attendre que son journal publie l'intégralité de son enquête, il s'est adressé à une maison d'édition. Et il a publié, en janvier 2006, un livre intitulé « État de guerre, l'histoire secrète de la CIA et de l'administration Bush ». Oui, je me souviens, il a été traduit en français. Hein. Et rappelez-moi alors, que contenait-il? D'abord, des informations précises sur ce programme de la NSA. On y lisait donc que, pour la première fois, depuis le scandale du Watergate, une agence de renseignement avait recommencé à espionner les Américains, et à grande échelle. Mais dans ce livre explosif, il n'y avait pas que ça. Et quoi d'autre, alors? Un gros chapitre sur une affaire considérable, l'opération Merlin. Mais vous en avez déjà parlé, non? C'est exact. Mais elle mérite qu'on y revienne, car c'est un vrai polar. Et surtout, c'est une énorme bourde commise par le renseignement américain. Pour résumer, afin d'en savoir plus sur l'état des recherches iraniennes, sur la bombe atomique, il a été livré à Téhéran de précieuses informations sur la technologie nucléaire. Alors, voyons ça plus précisément. Et pardon si je vous ai déjà raconté cette histoire il y a plusieurs années. Au commencement, il y a les inquiétudes des États-Unis au sujet de la dissémination nucléaire. Ouais, surtout depuis l'implosion de l'Empire soviétique. Et à cause de la présence d'armes nucléaires dans les pays qui se sont détachés de la Russie. C'est alors un chaos généralisé qui prévaut à l'Est. Il faut non seulement éviter que des têtes nucléaires soient dérobées, mais aussi empêcher une fuite des cerveaux, des ingénieurs et chercheurs qui pourraient être tentés de se mettre au service d'autres pays. Oui, c'était d'autant plus vraisemblable que ces anciens privilégiés se sont soudain retrouvés complètement démunis. Hein. Ah, et devant toutes ces menaces, deux sénateurs états-uniens, Noon et Lugar, proches de la CIA, ont élaboré un programme de coopération avec les ex-républiques soviétiques. Il s'agissait d'abord d'aider ces pays à démanteler les armes nucléaires positionnées sur leur territoire, et ensuite de conclure des accords de reconversion pour les savants. C'est ainsi que des chercheurs russes se sont retrouvés à Los Alamos. C'est le centre de recherche où ont été élaborées les premières bombes américaines. Hein. Ces savants russes, pris en charge par la CIA, ont été généreusement accueillis là-bas. Salaire confortable, maison et nationalité américaine, rien ne leur a été refusé. Et c'est l'histoire de l'un de ces chercheurs que je voudrais vous raconter. Son nom? Il n'a pas été révélé. On ne connaît que son nom de code, Merlin. Un jour de la fin des années 90, Merlin est contacté par un agent de la CIA qui désire lui confier une mission. Après tout ce que les Américains ont fait pour lui, il lui est difficile de refuser. Naturellement. Hein. Sa mission consistera à essayer de savoir où en est le programme nucléaire iranien. Mais ce n'est pas un agent secret. C'est vrai, mais les brillants cerveaux de la CIA ont élaboré un plan. Le Russe doit feindre d'être un savant cupide, prêt à vendre son âme pour une poignée de dollars. Il prendra donc contact avec les Iraniens auxquels il proposera de les aider en leur fournissant des plans de fabrication d'une bombe atomique. Et comment Merlin réagit-il là? Il est effaré. On le rassure, ne vous inquiétez pas, ils connaissent déjà certainement ce que vous allez leur offrir. Nous voulons simplement tester leur niveau. Et on lui remet effectivement une liasse de documents. Merlin les examine rapidement et aussitôt, ce spécialiste détecte quelques erreurs grossières qu'il signale à ses interlocuteurs de la CIA. Mais encore une fois, on lui dit de ne pas s'inquiéter, le paquet doit être remis tel quel. Ça mérite quand même une explication, ça. La voici. Les Américains ont imaginé qu'en donnant des plans truqués aux savants iraniens, ils allaient les égarer, les engager sur de fausses pistes qui retarderaient durablement leurs travaux. Mais n'ont-ils pas sous-estimé les connaissances de ces Iraniens? Certainement, mais n'allons pas trop vite. Et voyons la suite du plan. Merlin doit se rendre à Vienne, siège de l'AIEA, l'Organisation internationale de contrôle de l'énergie atomique. Les Iraniens y disposent d'une délégation où le Russe pourra déposer son paquet de documents. Mais la manœuvre va déraper. Pour quelle raison? Livré à lui-même et conscient qu'il va accomplir une tâche dangereuse, le savant prend peur. Si les Iraniens découvrent le poteau rose, ils peuvent être tentés de se venger sur lui. Puis il y a autre chose. Cet homme a sa fierté. Il ne veut pas passer pour un abruti aux yeux de ses collègues iraniens. Ah oui, alors que décide-t-il? Merlin prend une décision inouïe. Certes, il va remettre le paquet, mais il y joindra une lettre enjoignant aux Iraniens de se méfier. Ce faisant, il fiche en l'air l'opération de la CIA. Il le sait, oui, mais tant pis. Tremblant, il glisse le paquet et son message dans la boîte à lettres de la délégation iranienne et il quitte Vienne au plus vite. Il retourne aux États-Unis, mais avoue-t-il ce qu'il a fait? Parfaitement, mais le mal est fait, car les Iraniens, dûment avertis, des pièges qui se trouvaient dans les plans vont pouvoir trier le bon grain de livret. Parce que dans ces documents, alors, il y avait des informations précieuses. Ah, forcément. Ils ont donc trié. C'est pourquoi je vous ai parlé d'une énorme bourde. Et ça va être suivi d'une autre bévue qui ne l'est pas moins. Et là encore, c'est Raison qui est à la manœuvre derrière cette dénonciation. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Monsieur X a déjà évoqué le livre de James Risen, État de guerre, histoire secrète de la CIA et de l'administration Bush. Dans cet extrait, le journaliste explicite l'objectif poursuivi à l'occasion de l'opération Merlin. La CIA pensait que dès que les Iraniens seraient en possession des plans et les auraient étudiés, ils les jugeraient utilisables et commenceraient aussitôt la fabrication d'une bombe atomique en se basant sur ces plans erronés. Par la suite, Téhéran aurait une immense surprise quand ces scientifiques essaieraient de faire exploser leur nouvelle bombe. Au lieu d'observer un nuage en forme de champignon, ils assisteraient à un décevant ratage. Le programme nucléaire iranien pâtirait de cet échec humiliant et l'Iran devrait attendre encore plusieurs années avant de devenir une puissance nucléaire. Entre-temps, en étudiant la réaction de l'Iran face au plan, la CIA récolterait une profusion d'informations sur l'état d'avancement du programme nucléaire iranien. Une seconde bourde donc, alors quoi exactement? En 2005, quelques néo-conservateurs républicains, très bien introduits dans le milieu du renseignement, prennent une curieuse initiative. Leur objectif, c'est de justifier la politique de Bush et sa décision d'intervenir en Irak. Ouais, une politique de plus en plus critiquée aux États-Unis. Hein. Par conséquent, ces gens veulent prouver que l'Irak représentait vraiment un danger. En dépit des mensonges proférés pour déclencher la guerre. Alors, que font-ils là? Ils créent un site internet où ils publie des informations sur les recherches irakiennes en matière d'armes de destruction massive. Et ils reproduisent en particulier des schémas irakiens très détaillés sur la fabrication de la bombe atomique. Mais ces documents, où les ont-ils trouvés? Bon, ils ont sans doute été raflés dans les archives irakiennes et transmis à la CIA. En tout cas, maintenant, n'importe qui peut consulter ce site internet et donc accéder à ces recettes nucléaires. Exactement. Le New York Times révèle l'information et s'étonne. Aussitôt, l'administration états-unienne se rend compte qu'il s'agit là d'une considérable et inquiétante bévue. Et elle ordonne la fermeture immédiate de ce site. Mais il n'empêche que pendant un certain temps, d'importants secrets nucléaires ont circulé librement sur la toile. J'ajoute, pour être tout à fait juste, que le grand Manitou des services secrets américains, John Negroponte. C'est l'homme chargé de les coordonner. À la suite des errements qui ont précédé le 11 septembre, oui. Donc, Negroponte, informé de l'initiative de ses partisans de Bush, a tout fait pour faire capoter ce projet. Mais ses auteurs avaient l'oreille de personnages influents à la Maison-Blanche. Et ils l'ont emporté. Mais ce n'est pas fini. Mais quoi encore? En mars 2004. L'officier traitant des agents de la CIA opérant en Iran commet une tragique erreur de manipulation. En envoyant un message crypté à ses espions, il se trompe de fichier. En réalité, ce qu'il transmet, c'est un document où figure l'identité de tous les membres iraniens du réseau. Or, parmi eux, il y a une taupe. Un agent double. Oui, et immédiatement, ce type avertit ses employeurs iraniens. Tous les espions sont arrêtés. Et après avoir été interrogés et sans doute torturés, ils ont été pour la plupart exécutés. Conséquence immédiate, la CIA était du jour au lendemain sourde et aveugle en Iran. Et ça arrivait au pire moment. Mais pourquoi? Essentiellement parce que les Américains n'avaient plus d'informations sur l'état d'avancement des travaux nucléaires des Iraniens. Or, c'était cette question qui les préoccupait au premier chef. Oui, inquiétant. Revenons à Risen, là, son livre, pareil, vous m'avez dit, en 2006. Au début de l'année, oui. Ouais. Et quel a été son impact? Eh bien, curieusement, il n'a pas vraiment eu d'écho médiatique important. Mais je n'ai pas d'explication. Par contre, la justice n'a pas tardé à lui demander des comptes. Les procureurs de la Cour fédérale ont réclamé à Risen qu'il confirme le nom d'un homme dont il pensait qu'il était à l'origine de ses révélations sur l'opération Merlin. Et à trois reprises, le journaliste est assigné à comparaître. Alors, il se tait? Oui. La troisième fois, le journaliste est de nouveau sommé par une cour fédérale de révéler ses sources dans le cadre du procès d'un ancien responsable de la CIA. Jeffrey Sterling, arrêté en janvier 2011. Que lui reproche-t-on ? Il est notamment accusé d'avoir transmis à la presse des informations classifiées en violation de l'Espionage Act sur l'opération Merlin. Ah, c'est donc peut-être l'informateur de Risen. C'est ce dont on le soupçonne, en effet. Et qui est-ce alors ce type ? Employé de la CIA depuis 1993, il a été membre de l'unité opérationnelle chargée de l'Iran. Seul noir de cette équipe, parlant le farsi, il disposait d'un haut degré d'habilitation sécuritaire et avait donc accès aux informations les plus sensibles. Et il a été mêlé à l'opération Merlin ? Oui. Et devant cette cour fédérale, Raysen a refusé une nouvelle fois de parler de sa source. Et il a invoqué le premier amendement et la liberté de la presse. Pour passer outre et contraindre le journaliste, la justice s'est alors autorisée à consulter ses relevés téléphoniques, ses courriels et relevés de cartes bancaires. En avait-elle le droit ? Non, elle a agi en toute illégalité. C'est si vrai qu'une magistrate a annulé en première instance son assignation au motif qu'une citation criminelle à comparaître n'autorisait pas le gouvernement à accéder au carnet de notes d'un journaliste. Toutefois, en 2012, le département de la justice revient à la charge. Le journaliste est tenu de témoigner parce que le droit de ne pas divulguer ses sources n'est pas valable dans les affaires de sécurité nationale. Et ici, il faut citer une déclaration d'Eric Holder, le ministre de la Justice d'Obama. Que dit-il, Il affirme que l'attitude de Raysen est comparable à celle d'un journaliste qui recevrait de la drogue d'un fournisseur et refuserait ensuite de témoigner contre lui. Ouais. Enfin, que fait alors Raysen ? Il dépose un appel devant la Cour suprême. Et il dénonce dans son journal, je cite à peu près, l'usage agressif fait par l'administration Obama de ses pouvoirs gouvernementaux afin de tenter de contrôler un reportage indépendant sur la sécurité nationale. Puis, en mars, lors d'une conférence consacrée à ces questions, Raysen frappe encore plus fort. Pour lui, le président Barack Obama est le plus grand ennemi de la liberté de la presse depuis une génération. Et il accuse son administration d'utiliser cette affaire afin d'effrayer les reporters et les lanceurs d'alerte tels que Snowden. Et Snowden qui a alors commencé à distiller ses révélations sur la NSA. Depuis l'été 2013, oui. Pour Raysen, l'administration Obama veut restreindre le champ des enquêtes sur la sécurité nationale. Bref, elle voudrait que les journalistes ne sortent pas des rangs, sous peine d'être punis. Et Raysen en profite pour regretter la timidité des médias et de ses confrères face à cette offensive. Enfin, poursuivons ce feuilleton juridique. Début juin 2014, la Cour suprême refuse d'intervenir dans ce débat sur la protection des sources journalistiques. Oui, elle se défausse. Et avec quelles conséquences ? À cause de cette non-intervention de la Cour suprême, Raysen revient à la case départ. Et il est à nouveau sommé par la Cour d'appel fédérale de révéler ses sources. Mais il n'a plus aucun recours légal. Alors s'il se tait, que risque-t-il ? Une peine de prison s'il n'obtempère pas. Il y a prêt ? En tout cas, il n'a pas l'intention de céder. À la fin de ce même mois de juin, Raysen publie dans le New York Times une enquête tout aussi explosive que ses précédents articles. Il révèle qu'un cadre supérieur de l'ex-entreprise de mercenariat Blackwater a en 2007 menacé de mort un fonctionnaire du département états-unien des affaires étrangères. Et pourquoi ? Le type de cette société militaire privée particulièrement sulfureuse a exigé que soit mis fin à une enquête sur les bavures et les combines de Blackwater en Irak. Et effectivement, il a obtenu satisfaction. Or, les faits reprochés à la société de mercenariat était grave. Bien sûr, puisqu'il était question notamment de l'assassinat de 17 civils irakiens, entre autres. Et Blackwater, qui entre parenthèses, existe toujours, n'est-ce pas ? Oui, sous un autre nom. À chaque fois que l'entreprise est en difficulté, elle change de nom et même de siège social. C'est pratique, ça. En tout cas, dans le scandale dénoncé par Raysen, il est établi que l'affaire a été étouffée, en partie grâce à l'ambassade américaine de Bagdad. Complicité ? Ou connivence, certainement. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle affaire soulevée par Raysen prouve que le journaliste, malgré les menaces de la justice, n'est pas décidé à se taire. Et à la mi-août, il a participé à Washington à une conférence de presse organisée par plusieurs associations de défense de la liberté de la presse, dont Reporters sans frontières. Le journaliste a annoncé qu'il continuerait à se battre et ses confrères lui ont décerné le prix de la liberté de la presse, tandis qu'une pétition réclamant la fin des poursuites contre Raïssen a recueilli plus de 150 000 signatures. Ouais, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, alors, où en est-on ? Manifestement, l'administration américaine est embarrassée. Si la Cour fédérale s'entête à ne pas vouloir reconnaître ce que l'on appelle le privilège du journaliste... C'est-à-dire, on l'a expliqué, c'est-à-dire son droit de ne pas divulguer l'identité de ses sources. C'est ça. Le pouvoir politique, lui, n'a pas très envie de voir Raïssen en prison. Par conséquent, aux dernières nouvelles, le ministère public essaierait de différer l'issue du procès pour ne pas avoir à faire face à un choix embarrassant. Et déjà, le ministre de la Justice, Eric Holder, a exclu l'idée d'essayer de forcer Raïssen à coopérer en l'envoyant en prison. C'est donc la situation actuelle. Oui, mais il faut tout de suite signaler que le cas de Raïssen n'est pas unique. D'autres journalistes ou lanceurs d'alerte sont dans le collimateur de la justice. Je ne citerai qu'un seul exemple. En 2012, le journaliste Barrett Brown a été arrêté par le FBI et emprisonné. Il enquêtait sur les échanges entre une autre société de sécurité privée, Stratfor, et l'administration fédérale, qui voulait ruiner financièrement le collectif des hackers Anonymous. Pas moins de 12 chefs d'accusation ont été retenus contre Brown, qui aurait alors pu écoper de 70 années de prison. C'est énorme, hein ? En effet. Mais après négociation, comme le permet le code américain, il ne risquerait plus que 8 ans et demi de prison. Ce qui n'est quand même pas rien. Et ça prouve que dans la première démocratie du monde, comme on la nomme souvent, la liberté de la presse est sérieusement menacée. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mixée par Basile Bocquer, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca de Nantes, qui a lu pour nous cet ouvrage. Oui, Patrick, je voulais vous parler du livre de Jeremy Scahill, Dirty Wars, le nouvel art de la guerre. Ce journaliste américain fait le récit minutieux et sans concession de la guerre secrète et planétaire qui a été déclenchée par la Maison-Blanche après le 11 septembre au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est paru cet été aux éditions Luxe et ça se lit comme un thriller. Et pour illustrer l'enquête de Scahill, Patrick, je vous conseille de jeter un œil sur la toute nouvelle saison de la palpitante série américaine Homeland. Attaque de drones, assassinat ciblé au cœur du Pakistan, tout y est, mais je ne vous en dis pas plus. On attendra. À samedi prochain donc, et tout de suite après le flash, comme d'habitude, CO2, mon amour de Denis Chessou.